Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous le Caravage ? Michelangelo Merisi, de son vrai nom, est né à Milan en 1571 et devient rapidement connu pour ses scènes de genre. On lui doit notamment Les Tricheurs, qui inspira plus tard le peintre français Georges de la Tour. Mêlé à de sombres affaires criminelles, il séjourne plusieurs fois en prison avant que sa peinture ne délaisse le maniérisme au profit du réalisme puissant. Si le Caravage nous accompagne ce matin, c'est qu'il est l'auteur d'un tableau intitulé « Narcisse », qui bouleverse les interprétations habituelles du mythe d'Ovide. Dans ce tableau, à peine un reflet, et le regard qui commande l'œuvre, c'est surtout celui du peintre, qui devient, à son tour, l'objet de son propre tableau. « Narcisse », chez le Caravage, ne se regarde pas le nombril, il nous apprend à peindre et à regarder. Bonjour Gérard Wajmann. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes écrivain, psychanalyste, ancien maître de conférence au département de psychanalyse de l'Université Paris 8. Vous dirigez le centre d'études d'histoire et théorie du regard et vous venez de faire paraître aux éditions Verdier les séries Le Monde, La Crise, Les Femmes. Mais ce n'est pas du tout de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ah oui, bon. Avec vous, nous allons parler de ce tableau du Caravage appelé Narcisse. Je n'exagère pas lorsque je dis que ce tableau bouleverse les interprétations habituelles du mythe d'Ovide, n'est-ce pas ? Non, vous n'exagérez pas, mais j'ai eu non pas du mal, mais j'ai mis un certain temps avant de le découvrir, parce que d'une certaine façon, enfin, je peux dire un mot sur la façon dont je me suis intéressé à la question. La première chose, très très simple, un nom, c'est Hubert d'Amisch. C'est-à-dire Hubert d'Amisch, malheureusement disparu aujourd'hui, a publié un article. C'est un philosophe français, spécialiste en histoire de l'art. La Nouvelle Revue de Psychanalyse, si mon souvenir est bon, sur le Narcisse du Caravage. Et il faut bien dire que d'Amisch, pour moi et pour beaucoup d'autres, a joué un rôle de ferment absolument formidable. Nous avons été amis, je m'en flatte. Sa disparition m'a absolument tordu le cœur. Et c'est quelqu'un qui a généré pour moi beaucoup de choses. Il se trouve que cette première chose que j'avais publiée, que j'ai publiée à propos d'un tableau qui est sur le Narcisse du Caravage, prend appui donc sur son propre article. Mais malgré l'amitié que j'avais pour lui, je n'ai pu me défaire de l'idée qu'il s'était un tout petit peu planté dans son interprétation. Alors que disait d'Amisch l'avez-vous contredit ? Non, mais je vais le dire très simplement. Hubert d'Amisch il se voulait aussi un homme de son temps et un historien de l'art et un théoricien de l'art absolument à la fois d'une érudition tout à fait formidable et en même temps qui faisait entrer dans l'histoire de l'art des doctrines qu'on n'avait pas la coutume d'y faire entrer. En dehors de la linguistique, ce qu'il a fait avec Louis Marin, par exemple, pendant un certain temps, mais lui en particulier s'est intéressé à Lacan. Et il a pris le tableau du Caravage et lui a appliqué une doctrine lacanienne. Au fond, c'est tout de même... Faut dire que c'est formidable de faire ça. Il y a très très peu d'historiens d'art qui se sont risqués à des choses comme ça. C'est une audace. Il a pris le tableau et de Narcisse et finalement lui a appliqué un schéma qui était celui du stade du miroir chez Lacan, dont je crois une doctrine dont vous avez parlé hier. Oui, mais pour la peut-être rappeler là rapidement le stade miroir chez Lacan. Le stade du miroir chez Lacan, c'est ce par quoi d'ailleurs Lacan a dit qu'il est entré en psychanalyse avec la balayette, je le cite, la balayette du stade du miroir. C'est une théorie qu'il a élaborée dans les années 30 et qui est une reprise d'un certain nombre de doctrines à l'époque, et dont il fait, lui, il donne une importance tout à fait extrême pour considérer en quoi le petit homme entre dans le monde humain en se regardant, finalement, par l'image et par sa propre image, qu'il faut mettre entre guillemets, puisqu'elle ne devient propre qu'à partir du moment où il la reconnaît. C'est-à-dire que c'est une doctrine qui suppose à la fois une doctrine psychologique de l'enfant devant son miroir, qui avait déjà été élaboré par un psychologue qui s'appelle Henri Vallon, et à quoi Lacan a finalement ajouté, d'une certaine manière, on s'en aperçoit plus tardivement, il a fait se rencontrer là Kojève et Henri Vallon. C'est au fond ce qu'il venait, parce qu'à l'époque, vous connaissez l'histoire, tous ces intellectuels ont été formés à Hegel par Kojève, et Lacan a découvert la dialectique du maître et de l'esclave, et au fond une doctrine de la reconnaissance s'est greffée au fond sur ce système, sur cette vision que l'enfant peut avoir dans le miroir. Et qui suppose qu'il se reconnaît à un moment comme enfant dans le miroir. Et donc, la doctrine que Lacan a élaborée, c'est exactement, selon une formule que utilisait Freud, c'est exactement ce qui donne forme au narcissisme, ce qu'on appelle le narcissisme dans la doctrine analytique. Avec une caractéristique que j'aimerais souligner tout de même, parce que la doctrine du narcissisme. Bon, je ne vais pas refaire tout ça. Allons-y. C'est important. To make a long story short, le narcissisme n'est pas un concept analytique à l'origine. C'est Havelock Ellis, je crois, qui la première fois utilise la notion de narcissisme. C'est repris un peu. Freud l'utilise à quelques reprises, et puis il pond, 1914, si je ne m'abuse, ce livre qui s'appelle « Pour introduire le narcissisme », dont le titre lui-même témoigne que le narcissisme n'était pas un concept de la psychanalyse et qu'il l'introduit dans le champ de la psychanalyse, qui est un texte assez complexe, faut bien dire, pour introduire le narcissisme, mais qui sur quoi il faut pas trop se tromper, et en particulier ce que je veux souligner à propos en évoquant, après avoir évoqué le stade du miroir de Lacan qui date de 1936, il faut souligner une chose, dont je disais que le stade du miroir chez Lacan, c'est ce qui vient donner forme au narcissisme freudien. Mais il y a une caractéristique absolument étonnante, c'est que le texte de Freud, et à aucun moment dans aucun autre texte de Freud, la référence au narcissisme implique une référence à l'image. Freud élabore une théorie du narcissisme qui n'a rien à voir avec l'image. L'introduction de l'image dans le discours analytique, c'est absolument une invention de Lacan. Et le rôle que cette image peut avoir pour le petit enfant, le petit homme, est une invention absolument lacanienne. Donc, le narcissisme, ça met un tout petit peu en suspens ou en question, et moi, ça m'a à l'époque beaucoup interrogé, de savoir qu'en était-il le narcissisme analytique par rapport à l'histoire de Narcisse. C'est ça. Oui, le narcissisme analytique par rapport à l'histoire de Narcisse et par rapport à ce tableau du Caravage. Il y a ici trois exemples, trois manières de décliner le narcissisme. Absolument. Peut-être, avant de continuer à présenter à la fois ce que Damisch écrit sur ce tableau et ce que vous en dites ensuite, faut-il décrire ce tableau du Caravage? Ah ben voilà, oui, alors ça c'est l'autre point que je voulais dire qui est à l'origine de mon intérêt pour le tableau de Caravage. En dehors d'un goût que je partage, je crois, assez universellement pour ce peintre, d'une certaine manière on pourra en dire après un mot contre Poussin, si on veut. Poussin qui a lui aussi peint un tableau qui s'appelle Narcisse, extrêmement différent. Qui a aussi peint, on pourra dire un mot. Ouais. Non, je disais un peu de mauvaise pensée de ma part. Je disais contre Poussin parce que Poussin, on commençait, comme vous le savez, à déclarer que Caravage était né pour détruire la peinture. Et ben moi, je suis du côté du destructeur et pas de ce Poussin très très constructeur. Bon, enfin bref, le second point en effet qui m'a absolument saisi et attiré dans le tableau du Caravage, c'est que c'est un tableau. Quand j'ai lu le texte d'Hubert d'Amige, je regarde le tableau et quand on le regarde, on se dit « mais qu'est-ce que ça raconte ?» Et finalement, quand on regarde le tableau, on se dit « ça raconte rien ». Alors, quand même, nous sommes à la radio, donc pour que les auditeurs puissent imaginer quelque chose. Alors, vous me direz si j'en fais trop, si je mets du récit, là, il n'y en a pas. D'accord, je vous dirai. C'est un tableau vertical, jusqu'à là, vous êtes d'accord. On a un jeune homme en costume d'époque, agenouillé près de l'eau. Alors, ses deux bras forment comme un arc de cercle, et au milieu, son genou, puisqu'il est agenouillé, ressort vraiment au centre du tableau. Un genou. Parce qu'il y en a deux. On en voit beaucoup un oui, c'est ça. Avec le crevé. C'est ça, voilà. Et il se regarde dans l'eau, vraisemblablement, même si on y reviendra. Est-ce qu'il se regarde ou est-ce qu'il regarde son reflet? Il semble tendre l'oreille vers nous. Hein. C'est l'oreille qui apparaît comme si lui-même, comme en référence à Echo, la nymphe qui est amoureuse de lui et qu'il ne cesse de repousser. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut faire. On peut dire aussi que donc le tableau est divisé en deux parties qui sont pas tout à fait égales et que la première partie supérieure est donc représente Narcisse agenouillé au bord de l'eau et la seconde, eh bien, l'eau avec, et c'est là où c'est quelque chose de très très étrange quand même, ce qui est plutôt une absence de reflet, enfin un reflet dans lequel on ne voit pas le visage de Narcisse. Bon, bah, tout est dit. Et là, vous dites, il n'y a pas de récit. Non, il n'y a pas de récit. Narcisse cherche à se voir, mais ne se voit pas, oui, non. Non, il n'y a pas de récit. Non, ce que je voulais dire, quand je dis qu'il n'y a rien à dire du tableau, c'est pour moi une des grandes qualités de la peinture, en particulier de Caravage, c'est évidemment que c'est de la pure peinture. C'est ça, c'est-à-dire, qu'elle n'a pas besoin d'une explication. Non, elle n'a aucun besoin d'explication, et pour placer maintenant une pique contre Poussin, c'est évidemment, et pour faire entendre mieux ce qui est en question chez Caravage, le tableau de Poussin, il se débat, lui, c'est un tableau totalement littéraire, c'est-à-dire qu'il oblige, il veut restituer les divers moments de l'histoire de Narcisse, du moins l'histoire de la fin de Narcisse, et dans l'histoire de la fin de Narcisse, il y a à la fois alors sa mort et son endormissement qu'on ne peut pas distinguer dans un tableau, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est encore vivant, mais quelque chose nous indique plutôt, nous oriente vers sa mort, du fait qu'il y a aussi à côté de lui des fleurs Narcisse qui sont présentes. Or, dans le récit, il y a une temporalité qui suppose que lui-même se métamorphose. C'est ça l'idée de la métamorphose. Le corps est absent normalement. Quand il y a les fleurs, il y a plus de corps de Narcisse. Et Poussin raconte ça, plus évidemment le fait qu'il y a Echo. Et dans le titre même, si je me souviens bien, le titre du tableau fait référence d'abord à Echo et Narcisse. Il s'appelle Echo et Narcisse, dans le tableau du Caravage, le titre, comme vous le citiez tout à l'heure, s'appelle purement et simplement Narcisse. Ouais, c'est vraiment deux manières de peindre très différentes. Très, très différentes. Plus dans le symbolisme d'un côté, celui de Poussin, et dans ce qu'on pourrait appeler une forme de réalisme du côté du Caravage. Absolument. Alors, il y a une première référence interprétative. Donc, on peut se dire qu'on ne peut rien en dire. Et c'était pour moi une sorte de défi. Il faut bien dire que j'aime ça. Je me suis tout de même intéressé à des œuvres dont on pouvait alors au départ se dire mais il y a rien à en dire. Plus tard, je me suis intéressé au carré noir sur fond blanc de Malevitch. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur un truc où il y a rien, quoi. Le Caravage suppose tout de même des interprétations possibles. Et Hubert d'Amiche en suggère, enfin il les suggère pas, il les mentionne, puisqu'il les mentionne comme des interprétations un peu classiques, qui sont en particulier une interprétation luministe platonicienne. Parce que vous avez parfaitement décrit le tableau tel qu'il est. avec cette mention qu'on peut y ajouter, qui est, il y a un éclairage spécifique qui vient d'en haut, absolument vertical, qui tombe, la lumière tombe sur les épaules de Narcisse, avec, qui est habillé tout de même, faut dire, merveilleusement, une chemise blanche, et plus on descend dans le tableau, plus on se retrouve dans ce que vous mentionniez, dans la moitié la plus basse du tableau, dans quelque chose dont on ne sait pas s'il y a un reflet ou pas vraiment, et qui est en tous les cas un tableau, une noire, qui est plongé dans, on passe de la lumière solaire à un noir, tout à fait, il faut bien dire d'ailleurs directement, mortuaire, mortel, puisque on sait que finalement il y a quelque chose qui est impliqué dans cette histoire du regard que Narcisse peut porter sur lui-même, enfin sur une image dans l'eau, quelque chose qui appelle cette mort où il va continuer de se regarder dans le Styx, au-delà de sa propre mort. Donc ce regard, de toute façon pour les Grecs, je crois qu'il y avait ça, l'idée de se regarder dans un miroir en général, et se regarder dans un miroir d'eau impliquait ou contenait en soi déjà une dimension mortelle. Vous faites bien de signaler l'importance de la lumière, parce que le Caravage est aussi connu pour ses clairs-obscurs, d'innovation esthétique qu'on retrouvera alors beaucoup plus tard dans le cinéma ou la photographie, qui est une manière comme si on tendait un projecteur sur un corps ou un objet qui se découpait sur un fond absolument sombre. Et là, Narcisse est composé de cette manière-là. Et c'est tout à fait composé de cette manière-là. Y ajoutant le sombre de derrière implique aussi qu'il n'y a aucune perspective, c'est-à-dire il n'y a pas de fond, il n'y a pas de paysage, il y a absolument rien. Il y a le corps du jeune homme et qui est montré d'ailleurs à l'âge qui lui est supposé dans le texte d'Ovide, c'est-à-dire quinze ans, je crois, ou 15 ou 16 ans, il y a cette profondeur-là, et, enfin, ce manque de profondeur-là, et la lumière, donc la verticalité. Je reviendrai peut-être, après, on reviendra sur la question de la verticalité du tableau lui-même. Cette dimension de lumière, donc l'éclairage, la lumière la plus incandescente en haut et le noir du bas, cette opposition-là a inspiré des interprétations qui sont en effet de type assez platonicienne, pour supposer que le domaine des essences se trouve au-delà, c'est-à-dire on a les essences au-dessus qui éclairaient le monde, mais qui éclairent là le tableau et Narcisse lui-même. Et ensuite, on a le corps de Narcisse posé, enfin inscrit, agenouillé de façon assez étrange sur le bord de l'eau, et qui est dans un second temps, donc. Et le troisième temps, on peut référer chez Platon aux trois états du lit, si je puis dire, l'essence de lit, le lit fabriqué par l'artisan, et puis l'image du lit. Là, avec une question à propos de l'image elle-même. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette image-là, je précise que quand Platon parle de l'image du lit, quand il dit que l'image du lit est à trois stades de la vérité, c'est en effet pour dire que pour Platon, la vérité est du côté de l'idée que l'on se fait du lit. Donc la fabrication d'un lit est déjà une manière de déchoir de cette idée initiale. Peindre un lit, c'est se situer à 3 degrés de la vérité, c'est-à-dire de l'idée même de lit. Quand vous faites référence à ces interprétations platoniciennes, ça va très loin, jusqu'à Plotin même, qui fait justement de l'image comme étant quelque chose qui nous éloigne de la vérité. Je précise que chez Plotin, dans le traité sur le beau, ainsi, ce qu'on trouve dans les Énéades, il y a une référence directe à Narcisse, dans lequel il dit hein, « si on voit les beautés corporelles, il ne faut pas courir à elles, mais savoir qu'elles sont des images, des traces et des ombres, et il faut s'enfuir vers cette beauté dont elles sont les images. » Et il rajoute « si on courait à elles pour les saisir comme si elles étaient réelles, on serait comme l'homme qui voulut saisir sa belle image portée sur les eaux, ainsi qu'une fable, je crois, le fait entendre. Ayant plongé dans le profond courant, il disparut. Et il en est de même de celui qui s'attache à la beauté des corps et ne l'abandonne pas, ce n'est pas son corps, mais son âme qui plongera dans des profondeurs obscures et funestes à l'intelligence et il y vivra avec des ombres aveugles séjournant dans le Hadès, c'est-à-dire dans l'enfer. » Eh ben voilà, heureusement que vous êtes là. En clair, l'image est un problème. Mais c'est un sérieux parce qu'elle problème. Nous éloigne de la connaissance. C'est donc non seulement Narcisse un problème, mais c'est pour la référence à Narcisse suppose ce qui a été jugé être une folie de Narcisse. Comment peut-on prendre une image pour un véritable corps, etc. C'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais on va y revenir. La difficulté que pose l'interprétation entre guillemets platonicienne ou plotinienne du tableau de Caravage, c'est que on devrait en conclure ceci, c'est que Caravage a peint un tableau qui est une démonstration de l'inanité de la peinture. C'est-à-dire, puisque, au fond, si c'est platonicien, ça veut dire qu'il se reprendrait à son compte la condamnation platonicienne de la peinture. Franchement, quand on regarde un tableau comme ça, faut être con. Enfin, je veux dire, faut être vraiment ou avoir les yeux dans le potage pour ne pas voir la beauté extravagante de ce tableau. D'autant qu'il y a un paradoxe à peindre, à proposer une image pour dénoncer le rapport aux images. Moi, si je veux dénoncer la peinture, je peindrais, si j'avais le talent qu'il avait pour peindre ça. En plus, la beauté du jeune homme, dont on sait combien le corps du garçon pouvait importer à Caravage. Bref, c'est un tableau qui est plein de désir et plein de beauté. Pour dénoncer la beauté en peinture, c'est un idiot, ou alors il n'a rien compris à rien. Bien entendu, c'était avant le Caravage quand même. Platon et Plotin. Bien sûr. Cette interprétation a été reprise après. Bien sûr qu'elle a été reprise après. Reprise à propos du tableau de Caravage, pas seulement sur Narcisse, à propos de ce tableau même. Bien entendu, rien ne tient. Alors, je vais pas m'appesantir sur l'interprétation à laquelle finalement est venu Hubert Damisch lui-même, qui était donc de ranger la question la vision de ce jeune homme se mirant dans l'eau, comme en modélisant la chose, prenant comme paradigme de ce tableau la thèse lacanienne du stade du miroir. Là, on se heurte à une autre difficulté. C'est un peu ça qui m'a arrêté. On se heurte à une autre difficulté qui est, je vais le dire le plus simplement possible, c'est il faut se poser la question de savoir, peut-être éventuellement de s'interroger sur ce qui peut être distinct de notre vision à nous du tableau, de ce que nous voyons nous du tableau, et de ce que Narcisse lui-même dans le tableau voit. Nous ne savons pas. D'abord, nous ne savons pas à quel moment ça se situe. C'est-à-dire, il y a une intemporalité dans la peinture, contrairement justement à Poussin. Là, il est pris dans quelque chose. On sait qu'il a chassé toute la journée, qu'il est assoiffé, qu'il vient se rafraîchir au bord de la source et aperçoit quelque chose dans l'eau qui est une figure sur laquelle on va revenir. Oui. Bah oui, on va revenir parce que une des questions. Et là, il faudra faire référence à autre chose encore. Une des questions, c'est de savoir, est-ce que Narcisse... Parce que quand je... La formule de... Ce que Hubert Damisch avait pris en compte, c'est la dimension, la construction. Il prenait fermement en compte, et il avait raison à cet égard, il tenait très fermement en compte la construction du tableau. Et chez Caravage, même, la construction doit être prise en compte toujours. Et là, en plus, c'est une construction qu'on retrouve dans d'autres peintures, qui est la forme de cercle que constitue le corps agenouillé donc de Narcisse qui s'appuie sur les deux mains, voilà. Et qui rejoint d'une certaine manière. C'est comme un arc de cercle qui se reflète. Qui se reflète. Donc ça fait un cercle. Et ça fait un cercle avec un moyeu comme une roue, oui. Constitué par le genou central. Interpréter le cercle en question comme une image de la totalité, c'est pas du tout, ça tombe pas du ciel. On a raison de poser cette question. Je veux dire, le côté y compris, ça marche d'autant mieux, ça vaut d'autant plus pour ce tableau que ça met en question, par exemple, l'alliance. C'est tout de même un cercle, le cercle d'une alliance et d'un mariage. Alors, la question est posée, de quelle nature est ce mariage et avec quoi, ça, de, avec quoi éventuellement Narcisse est-il marié, mais qui met en question simplement l'idée d'une totalité. Mmh. Au fond, le cercle pose cette question. Là, c'est une figure de la totalité, y compris enfin à la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle de Caravagesque. Le cercle est une figure de la totalité. Et donc, Hubert Damisch a évidemment pris ça en compte dans l'interprétation de ce tableau en faisant référence au fait que, pour Lacan, l'image au miroir, de l'enfant se regardant dans l'image du miroir, met en question l'idée d'une totalité de son corps. C'est-à-dire que, pour redire un mot à propos de pour qu'on comprenne l'interprétation, enfin, ce que Lacan dit à propos du stade du miroir, c'est qu'il fait valoir l'idée qu'il y a il y a un désaccord dans cette histoire. Tout est fondé. Le stade du miroir est entièrement fondé sur un désaccord. Le corps réel de l'enfant est incoordonné. Le corps de l'enfant, il a repris à l'époque, Lacan a utilisé une notion qu'on a employée chez les médecins, qui était la fétalisation. L'homme naît fétalisé. Il n'est pas fini. Contrairement aux animaux, on regarde, avec fascination, le poulain se lever au bout de 10 secondes, se mettre sur ses pattes. Le petit dôme, lui, il reste à 4 pattes pendant un bon moment, et on voit que il n'est pas fini. D'ailleurs, Lacan le compare au chimpanzé dans le texte. Lacan le compare absolument au chimpanzé. Tout à fait raison. Et donc, il n'est pas fini. Et du coup, la question de l'image prend sa valeur à cet égard, parce qu'il n'est pas fini, il n'est pas constitué comme un, il n'arrive pas à saisir ses mains, on connaît, j'espère, tout le monde a vu, bien que nous soyons chacun des anciens bébés, on a vu d'autres bébés se débattre avec leur propre corps, et le caractère non fini de l'enfant. Et Lacan donne du coup une valeur extrême à l'image au miroir, en ceci que l'image au miroir fait apercevoir à l'enfant la dimension de son corps comme une totalité, là où en réalité il ne dispose pas de cette totalité. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce que Lacan met en évidence, c'est l'idée que la totalité c'est une totalité anticipée sur sa totalité réelle, sur son développement, que Lacan fait valoir que l'image totale de son corps va avoir un effet en retour, que notre sentiment de totalité du corps vient aussi de l'image que nous voyons, que l'enfant voit. Mmh. Donc il y a un effet backlash, il y a un effet de retour. C'est pas simplement se voir, parce que les animaux aussi ils se voient, le singe aussi il se voit, et éventuellement il se reconnaît. Mais c'est s'identifier dans l'image. C'est s'identifier dans l'image et avoir cet effet de retour, cet effet l'image a un effet constituant chez Lacan. Ça, c'est tout de même une invention absolument fascinante. Alors, je dirais deux mots. Et anti-platonicienne, puisque vous en aviez parlé. Et tout à fait anti-platonicienne, c'est vrai. Non, j'ajouterais deux choses. Lacan s'intéresse à la question de l'image, de notre image humaine, dans un temps, où naissent des doctrines, l'éthologie animale naît à ce moment-là, c'est-à-dire Conrad Lorenz, ça doit être des années 30, avec ses oies, etc., où la fonction de l'image est tout à fait mise en évidence. Lacan est le psychanalyste, tout jeune psychanalyste, qui va s'intéresser à ces questions de l'image, et aussi pour essayer de régler une question, tenter d'approcher une question, parce que c'est tout de même fascinant. Il s'adresse, il reprend, donc il donne une doctrine qui veut donner forme au narcissisme, selon la formule que je citais de Freud, mais il faut bien dire qu'il se pose cette question naturelle, que cette caractéristique humaine, que nous aimons notre image. Nous aimons notre image, c'est un fait. Et on peut toujours discuter, dire « Oh, le narcissisme, c'est moche, c'est con, faut s'en passer, faut passer au-delà. » Mais c'est des blagues. Nous sommes tous amoureux de notre image. Ce qui ne veut pas dire que nous nous trouvons tous beaux. Non, ça n'a jamais voulu dire ça. Et même, il y a des narcissismes qui passent au contraire par une jubilation de sa propre laideur, dit « mais comme je suis moche », tout ça, on entend évidemment le narcissisme le plus frénétique dans ce genre de propos. Non, bien sûr qu'on ne se trouve pas beau nécessairement, mais il y a le fait que aucun animal n'est narcisse. Le narcissisme est une particularité humaine. Vous ne pouvez pas dire, j'ai vu, je me suis acheté, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une très très belle carte postale représentant un ours allongé sur sa banquise et se mirant dans le reflet, enfin se mirant, et avec le reflet de l'ours en bas, on disait, quel narcisse. C'est des blagues, l'ours mais précisément, quand même. Il regardait où il y avait un phoque pour manger, c'était tout qui l'intéresse. Mais que regarde le narcisse du tableau de Caravage? Ben voilà, très bien, vous y revenez. Ben oui. Ben oui, vous avez raison. Vous faites de la comparaison avec l'ours, rien à voir avec Narcisse, l'ours qui regarde l'eau. Ben là, on se demande si Narcisse se regarde lui-même, s'il regarde quelqu'un d'autre, s'il regarde son reflet. Il faut y venir quand même. Que voit Narcisse regardant la source? D'accord. Vous voulez qu'on y vienne? Ouais. On y vient. Je disais que ça nous oblige tout de même à dire un mot de l'origine littéraire du tableau de Caravage. Parce que il ne raconte pas la fable entière. Il y a un moment dont on ne sait pas très bien où il se situe, mais il y a une fable à l'origine. La fable à l'origine, c'est Ovide. Pour des raisons qu'on ne peut même pas discuter, puisque c'est le texte des Métamorphoses qui a circulé, c'est celui qui a fait connaître finalement le plus beaucoup d'autres mythes, mais en particulier celui de Narcisse. Ça s'est véhiculé dans le texte de Ovide, et je dois y ajouter le fait que je trouve ce texte absolument admirable, mais absolument admirable. Et dans la traduction, y compris, je ne sais plus de qui elle est, mais qui est publiée, moi j'ai toujours utilisé cette édition. En Garnier-Flammarion. Garnier-Flammarion, je la trouve absolument géniale. Il y a sûr peut-être d'autres, il y a des critiques sans doute à faire. Je suis pas latiniste, moi je ne connais pas ça, mais je trouve le texte absolument formidable. Et j'aimais tellement cette histoire et le récit qui en était fait que à l'époque, quand j'ai écrit ce texte, j'ai créé avec quelques amis, j'ai créé un truc qui s'appelait les Amants de Narcisse, et nous nous réunissions à la Saint-Narcisse. Notre seule tâche était de lire. On lisait le texte de. C'est quand la Saint-Narcisse? Je sais plus très bien. J'ai oublié, mais il y a une Saint-Narcisse. Tout ça pour dire qu'il faut référer au texte de Vide. Et le texte de Vide, alors, met en question des choses à la fois donc qui permettent de réfléchir sur ce tableau, mais qui se posent en général sur la question du narcissisme. Parce que la réflexion qu'on se fait à propos du narcissisme, de s'aimer soi-même ou d'aimer sa propre image, n'est pas une réflexion qui convient absolument au texte à ce que raconte Ovide à propos de l'histoire de Narcisse. Alors, je vais pas raconter entièrement. Il faut aller le lire. Vraiment, il faut aller lire le texte d'Ovide. On peut en entendre un extrait, si vous le souhaitez. Volontiers. Peut-être que ça nous facilitera la tâche de tout raconter. Le moment où Narcisse découvre que le personnage de l'eau n'est que le reflet de lui-même, et c'est le moment où des larmes coulent sur ses joues. Écoutez. La mort ne m'est point cruelle, car elle me délivrera de mes douleurs. Je voudrais que cet objet de ma tendresse eût une plus longue existence. Mais unis par le cœur, nous mourrons en exhalant le même soupir. À ces mots, il revint dans son délire contempler son image. Ses larmes troublèrent les eaux et l'agitation du bassin obscurcit l'apparition. Quand il la vit s'effacer, « Où fuis-tu ? » cria-t-il. « Demeure, n'abandonne pas, cruel, celui qui t'adore. Ce que je ne puis toucher, laisse-moi au moins le contempler. Laisse-moi fournir un aliment à ma triste folie. » Au milieu de ses plaintes, il arracha son vêtement depuis le haut, et de ses mains blanches comme le marbre, il frappa sa poitrine nue, qui sous les coups se colora d'une teinte de rose. Ainsi des fruits, blancs d'un côté, sont de l'autre nuancés de rouge. Ainsi, la grappe de raisin au ton changeant se tache de pourpre quand elle n'est pas encore mûre. À peine eut-il vu ses meurtrissures dans l'onde redevenue limpide qu'il n'en put supporter davantage. Comme la cire dorée fond devant une flamme légère ou le givre du matin sous un tiède rayon de soleil, ainsi il dépérit, consumé par l'amour, et il succombe au feu secret qui le dévore lentement. » un extrait des Métamorphoses d'Ovide, le conte de Narcisse, pour le plaisir, sur France Culture, les chemins de la philosophie, lu par Ophélia Kolb. Nous parlons de Narcisse cette semaine, aujourd'hui du tableau Narcisse peint par Le Caravage, en compagnie du psychanalyste Gérard Wajsman. L'extrait que l'on a entendu du mythe de Narcisse est vraiment l'extrait où on s'interroge sur les raisons de la tristesse, du désarroi, de l'angoisse de Narcisse qui le conduisent à pleurer, d'autant plus que cette réaction décrite par Ovide, on ne la retrouve pas du tout dans le tableau du Caravage. Pas du tout, non. Non, du tout. Alors, tout de même, laissez-moi dire un mot sur l'histoire de Narcisse. Parce que, y a tout de même, c'est frappant, il suffit de lire l'histoire. Je dirais en court-circuit, Narcisse n'est pas narcissique, du tout. Je me suis un peu posé la question, parce que tout de même, je suis psychanalyste, alors est-ce qu'on peut faire un diagnostic de Narcisse? Je pense que oui. D'ailleurs, le passage qui est évoqué, et que j'avais, oui, moi aussi, un peu pointé, dit quelque chose à cet égard, qui est, ça serait plutôt, Narcisse est un mélancolique. C'est un Narcisse mélancolique. Les larmes, ils sont, enfin, évidemment, incitent à penser ça. Mais il faut dire un mot de cette histoire pour comprendre en quoi Narcisse ne serait pas Narcisse. C'est pas le Narcisse de la psychanalyse, c'est pas le Narcisse de la psychologie. C'est un autre Narcisse, moi qui me touche infiniment et qui raconte cette histoire, puisque donc. Connaît les conditions de la naissance de Narcisse, dans laquelle l'eau n'est pas du tout absente, puisque il naît d'un père et d'une nymphe, entre une nymphe et un fleuve finalement, qui donne naissance à Narcisse, et il est amené, la mère, en bonne mère, veut savoir ce qu'il adviendra de son fils. Et elle va consulter l'homme le plus omnivoyant, si je puis dire, qui existe à l'époque, qui est Tirésias, à Delphes. Je dis omnivoyant parce que, enfin, ça permet de mettre, de souligner aussi une chose, c'est que le texte de d'Ovide sur Narcisse, c'est un texte qui vient livre 3, je ne sais plus comment c'est classé, juste après l'histoire de Tirésias, qui met en question le regard. Lui, il l'a trop vu, d'une certaine manière, et il a été condamné pour ça, il a été aveuglé. Mais être aveugle dans ce monde-là, ça veut dire il devient survoyant, puisque on va le consulter pour demander ce qu'il adviendra, en particulier ici, la mère va consulter Tirésias pour savoir ce qu'il adviendra de son fils. Et, comme d'habitude, il a une réponse parfaitement énigmatique, à laquelle personne ne peut rien comprendre. Il dit « Il vivra longtemps s'il ne se connaît pas ». Bon, rentrez chez vous, avec quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? C'est évidemment, par définition. C'est quand même l'interdit de se connaître soi-même, l'interdit de l'introspection, l'interdit, c'est assez fort et compréhensible. Pas tout à fait, parce que le connais-toi toi-même aurait tout de même été plutôt dans un autre sens que de dire il vivra s'il ne se connaît pas. Lui, il a manifestement, le fait de se connaître peut avoir pour lui quelques effets funestes. Et on ne le comprend que rétrospectivement. C'est du jour où, après avoir couru, le jeune chasseur, après avoir couru, se découvre dans le miroir, dans le reflet de la source. Et tout ça est déjà mal dit, puisque c'est justement une des questions. Est-ce qu'il se découvre dans le reflet, etc. Bon. Mais avant d'y venir, il y a le fait que... Il y a l'histoire... c'est un jeune garçon... qui ne pense qu'à lui, manifestement. Il court dans les forêts, sa seule passion, c'est la chasse, et il est lui-même chassé par des amants et des amantes, au sens classique, qu'il aime, et dont Écho. Et Écho va se plaindre, finalement, de ce qu'on a à faire un jeune garçon d'une beauté souveraine, mais qui se refuse, et il se refuse à l'amour. Or, pour les Grecs, se refuser à l'amour est un crime. Et donc, il va être châtié. On va décider pour lui un châtiment qui est évidemment corrélé entièrement à sa faute. Dans la pensée grecque, il y a toujours ce mode-là. Il s'est refusé à tout amour des autres. Eh bien, il devra tomber amoureux de ceux qu'il ne pourra jamais posséder. Et cette décision des dieux est celle qui s'accomplit quand il se retrouve devant l'image qui est dans la source sur laquelle il s'est penché. Juste, je fais une parenthèse là. Après, on reviendra au tableau, hein. Oui, mais bien sûr, on revient. Et comment on revient au tableau? Mais de façon même centrale, puisque moi, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Je l'ai fait pour mon compte de se pencher sur une étendue d'eau dans une mare avec une eau claire, etc. Mmh. Essayer de se voir. On se voit pas du tout. C'est des blagues, tout ça. Heureusement qu'il y a des écrivains pour nous raconter ces blagues-là, très très joliment, mais c'est une blague. Je dirai un mot après à propos du Narcisse allongé, du Narcisse debout, qui est celui de Caravage, justement. Il y a le fait que il se penche sur la source pour boire et il aperçoit quelque chose. Mais ce qu'il aperçoit, c'est pas du tout lui. C'est-à-dire, c'est pas explicite. C'est dit, c'est l'histoire elle-même que raconte Ovide. Il aperçoit un corps qui est un autre dont il n'identifie pas qui il est, ni même son sexe d'ailleurs, puisqu'il peut y avoir des versions selon lesquelles il pourrait s'agir d'une fille, de sa sœur jumelle, etc. Il ne se reconnaît pas du tout au début et se pose simplement cette question de savoir pourquoi. En dehors du fait qu'il est tout de même pas commun de voir un corps se balader dans l'eau sans respirer, etc. Mais bon, admettons l'histoire de la fiction. Et il tend les bras pour essayer d'attraper ce corps, cet autre-là, dont il est tombé immédiatement amoureux et dont il admire évidemment la beauté absolue. Il tend les bras et il essaye de toucher et il ne touche rien. Il n'arrive pas à saisir le corps et il demande pourquoi me fuis-tu, etc. Moi qui t'aime tant, en gros, pourquoi me fuis-tu tout le temps? Et quelle est l'issue de cette situation? L'issue de cette situation est celle qui intervient à partir d'une intervention d'Ovide lui-même, qui est un effet de style assez surprenant. Ovide s'adresse à Narcisse et lui dit « Mais pauvre fou, en gros, est-ce que tu ne t'es pas rendu compte que ce que tu recherchais dans l'eau, ça n'est jamais qu'un reflet, et c'est pas simplement un reflet, c'est ta propre image, c'est ton propre reflet que tu vois. » Et c'est là, donc il y a un tiers. Dans le récit ovidien, il y a un tiers. Il y a Narcisse face à la source et à ce qu'il y a dedans et dont il pense au début que c'est un autre. Et intervient Ovide qui lui dit « Mais non, pas du tout, pauvre idiot, c'est de toi dont il est question. » Et c'est ça qui amène au passage que vous citiez, qu'on a cité dans le texte d'Ovide, qui est... C'est tordant tout de même cette histoire. On dit le narcissisme, quand on pense au narcissisme aujourd'hui, on dit le garçon qui se pavane, l'infatuation, l'amour de sa propre image, de sa beauté, etc. Mais quand on lui dit que c'est lui, au lieu de dire qu'est-ce que je suis beau, je suis formidable, pas du tout. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est il pleure. Mmh. Et qu'est-ce que font les pleurs? Les pleurs font des ris dans l'eau. C'est-à-dire il pleure et l'image se dissipe. Il ne voit plus rien quand il apprend que c'est lui et il comprend quelque chose parce qu'il vient de comprendre quelque chose d'absolument terrifiant pour lui qui est ce dont il est tombé amoureux. C'est ce dont il est tombé amoureux, jamais il ne pourra le posséder. Et on comprend du même coup en quoi la décision, le châtiment que les dieux ont voulu pour lui s'est accompli. Il vient de découvrir qu'il ne pourra jamais aimer ce dont il est véritablement amoureux, qu'il ne pourra jamais posséder ce dont il est véritablement amoureux. Et ça, c'est le moment, en effet, mélancolique qu'il traverse, et qui le fait pleurer. Les pleurs font disparaître l'image. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'histoire, enfin, dans la clinique, entre guillemets, de la mélancolie, il y a quelque chose qui a fait tout à fait avoir avec le fait de perdre le rapport à sa propre image, bon, laissons ça un peu de côté, et qui fait qu'il se retrouve là, désespéré, par rapport à cette histoire. Quel est le lien? Enfin, qu'est-ce qu'on en voit? Qu'est-ce qu'on voit de ça dans le tableau? Précisément, le visage du Narcisse dans le tableau du Caravage. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez. Moi, je n'y vois pas beaucoup de mélancolie. Je vois quelqu'un de très attentif, quelqu'un qui cherche quelque chose, qui Absolument. Regarde. Il a les lèvres entrouvertes, mais c'est pas tant un geste de désir qu'une forme d'interrogation. Oui, il s'interroge, en effet. Donc, ni mélancolique, ni transi. Non, je suis absolument d'accord. Ça, c'est lié au texte lui-même, pas au tableau. La seule chose, enfin, une chose qu'on, entre autres, c'est pas la seule, mais qu'on peut aussi considérer, c'est, il y a une attention extrême. On voit l'œil, ou plus, enfin, les yeux avec les paupières, tout de même, de Narcisse en train de regarder. Mais ce que ça devient, le reflet de son regard, entre guillemets, dans l'eau, c'est quasiment une tache noire. C'est quasiment un trou. Et le corps qui est en question, c'est pas du tout une image exaltée de lui-même, c'est un reflet incertain, et dont on se demande d'ailleurs si lui-même se voit ça, c'est-à-dire il est en quête de quelque chose, il est attentif à quelque chose dont, disait, pour reprendre le texte de Vide, qu'au début il pense, on peut imaginer que c'est un moment où il cherche à attraper l'autre qui est au fond de la source, on peut imaginer un autre moment, en effet, pas un moment, pas le même moment mélancolique, mais en effet le moment de où il sait, où il est fixé face à cette image du reflet dégradé, entièrement dégradé. Qui est celui mais au fond, je me permets d'avancer parce qu'il nous reste 5 minutes hein, et je crois que vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce tableau. Oui. Mais au fond, ce que ce visage de Narcisse interrogateur nous dit, et surtout la dissolution de son reflet dans l'eau nous dit, c'est que c'est peut-être notre regard qui compte. Mais bien sûr. C'est ça, non? C'est qu'en tant que spectateur, on se demande, mais que voit-il et que voyons-nous? C'est exactement ça. C'est ça que j'évoquais à propos du fait de l'interprétation de la forme totalitaire, de cette totalité de Narcisse qui renvoierait éventuellement à la totalité dont parle Lacan du corps, c'est tout de même quelque chose d'autre, parce que nous ne savons pas ce que lui voit. Nous voyons, nous, une totalité, mais lui-même, est-ce qu'il voit cette totalité? Nous n'en savons absolument rien. Et on serait plutôt tenté de supposer qu'il voit quelque chose. Son attention est portée sur quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qui ne saisit pas, qui est le corps qu'il n'arrive pas à attraper, mais qui est aussi sa propre image, qui est au fond de l'autre, dont il peut se désespérer en pensant que elle est cette image. Si c'est son image, alors c'est une image fatale. C'est un nom qui annonce déjà sa propre mort. Et l'image dégradée est évidemment déjà l'image d'un mort dans le Styx, ou dans l'Hadès, enfin bon, qu'on a pu évoquer. Je veux juste, ajouter encore une chose, c'est que cette position, il y a un truc assez rigolo, c'est que il est pas debout. Bon, donc ça, l'image de la totalité n'y est pas. Mais il est tout de même, il y a une verticalité du tableau, je crois que vous l'avez mentionné au départ. Il y a une verticalité du tableau. Elle s'oppose, d'une certaine manière, à ce dont il est question, par exemple, dans le tableau de Poussin, où le corps est allongé. Le tableau aussi, d'ailleurs. Et le tableau. C'est exactement ça. Ça met en évidence une autre question qui est, ça met en question plutôt autre chose qui est un point tout à fait fondamental, c'est que quand Alberti peut dire, alors c'est aussi au livre 3, je crois, de son traité de peinture, que Narcisse est l'inventeur de la peinture, il faut tout de même avoir en tête que Narcisse est l'inventeur de la peinture, mais Alberti est l'inventeur du tableau. Ça, c'est dans les livres précédents. Il est l'inventeur du tableau, c'est-à-dire la fenêtre ouverte, selon Alberti. Le tableau, c'est une fenêtre ouverte par laquelle on va voir Historia, dit Alberti. Qui a écrit alors des picturas de la peinture au XVe siècle. Je précise les choses. 1435. C'est le 15e siècle. 1435, 15e siècle. Donc, il invente le tableau moderne, en disant, et après il dit, Narcisse est l'inventeur de la peinture. Il dit, comme dit le poète. Ouais. Alors j'étais évidemment assez fasciné par ça, parce que j'ai demandé à ma référence de toujours a été, quant au savoir historique, c'était Daniel Arras. Et j'ai demandé à Daniel Arras, je lui ai dit, alors qui a dit avant que Narcisse était l'inventeur de la peinture ? Il m'a dit, personne. C'est une invention d'Alberti. Personne n'a jamais dit avant Alberti que Narcisse était l'inventeur de la peinture. Alberti fait faussement référence à Ovid pour justifier ses propos. Mais bien sûr. Et du coup, ça vous plante l'histoire, un mythe. Il fonde un mythe en disant, on l'a déjà dit de toujours. Parce que vous ne pouvez pas vous poser vous-même comme l'auteur d'un mythe. Il dit, on a toujours dit que Narcisse était l'inventeur de la peinture. Je ne fais que le redire. Et que la peinture, ça n'est rien d'autre que, selon le terme, embrasser la surface d'une source. La peinture est-elle autre chose que l'art d'embrasser ainsi la surface d'une fontaine ? Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Parlant de Narcisse. C'est une minute. Un mot là-dessus. Ça veut dire que pour Alberti, en faisant de Narcisse l'inventeur de la peinture, il invente quelque chose qui est la peinture est un geste amoureux. Il y a un geste de saisir le tableau lui-même est un geste amoureux, mais qui vient serrer quoi? Qui vient serrer l'absence d'un objet. C'est au fond notre rapport à la peinture suppose exactement notre position. Nous sommes des narcisses devant les tableaux. Nous regardons quelque chose comme un objet absent, un objet qui nous a été retiré et que nous contemplons et qui fait que nous sommes fascinés par la peinture en général. Et d'ailleurs, je soumets au psychanalyste que vous êtes l'hypothèse suivante, ce que vous présentiez comme étant un cercle avec le genou au milieu qui serait comme un point, comme une roue, on peut y voir un œil. On peut tout en à réalité, fait y voir. Avec la pupille serait le genou, si bien que le spectateur regardera un œil qui en fait se regarde lui-même. Eh ben, c'est une fin parfaite. C'est vous qui le dites. Des miroirs où glissait ton corps, mais tout s'efface sans la place à ce larcène qui te distord. Tu glisses ta garde perforée dans ce flipper où tu t'enfuis, et tu fais semblant de rocker pour faire croire que tu es en vie. Narcisse, la liste de piste, y'a des traces de plus sur ton flipper. Un grand merci à vous, Gérard Wajmann, d'être venu nous parler de Narcisse aujourd'hui. De Lacan jusqu'au Caravage, du tableau, de l'analyse psychanalytique jusqu'au tableau du Caravage. Vous donnez envie de le regarder, on le mettra en ligne évidemment sur le site des Chemins de la Philosophie. On peut aussi, pour continuer le plaisir de vous entendre, vous lire. Votre dernier livre s'appelle Les séries, le monde, la crise, les femmes, aux éditions Verdier. On se quitte avec Hubert Félix Stéphane. Les chiens t'attendent au bout du quai avec des plumes et du goudron. Ils vendent des orgasmes en sachet et font la gerbe en location. Tu pensais franchir le miroir sans avoir à changer de gueule. Tu craches le sang dans ta baignoire et tu t'essuies dans un linceul. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. C'est un livre qui a retenu votre attention aujourd'hui. Oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler du dernier livre de Christophe Guillouy, No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, paru récemment aux éditions Flammarion. Christophe Guillouy, le nom ne vous est pas étranger. Et pour cause. En 2014, dans son livre « La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires », le géographe de formation a été le premier à dresser le constat de l'exode des nouveaux prolétaires français de souche, autrement dit, des petits blancs, vers le périurbain profond et le monde rural. Exode qui s'est accompagné d'un décrochage idéologique, puisque cette France périphérique ne se sent plus du tout défendue par la classe dirigeante et opte, lors des élections, soit pour l'abstention, soit pour le Front National, parfois par conviction, parfois par détresse. Oui, c'est vrai que ce livre avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, à gauche comme à droite, l'essai avait déchaîné les passions. Si Guy, lui, a essuyé de nombreuses critiques, on a pu lui reprocher un travail insuffisamment rigoureux ou trop biaisé idéologiquement, la plupart des journalistes, du Figaro à Libération, en passant par Marianne, ont considéré que c'était un livre essentiel, surtout en ce qu'il permettait de comprendre les déceptions et les aspirations d'une partie de la classe populaire, souvent occultée, et qui représente un véritable vivier électoral. Et alors qu'en est-il de ce dernier livre de Guy Louis ? Eh bien voilà, après avoir abordé la question des classes populaires dans la France périphérique, puis celle des élites dans le crépuscule de la France d'en haut, Christophe Guy Louis a décidé de s'attaquer au destin des classes moyennes en Occident. Pour Guy Louis, le constat est sans appel. Alors que les classes supérieures ne cessent d'entretenir le mythe d'une classe moyenne intégrée et en phase d'ascension sociale perpétuelle, la réalité est tout autre. Dans tous les pays occidentaux, la classe moyenne a vu sa situation se dégrader. La fameuse fracture sociale, selon l'expression de Marcel Gauchet, concernait hier les classes populaires fragilisées économiquement et socialement, ce qui permettait d'expliquer d'ailleurs l'enracinement du vote Front National dans ces zones du périurbain subi. Aujourd'hui, cette fracture sociale semble s'être étendue aux classes moyennes, sur fond d'une double insécurité, à la fois sociale, c'est-à-dire une insécurité liée aux effets du modèle économique, et culturelle, c'est-à-dire une insécurité liée à l'émergence de la société multiculturelle. Cette insécurité se matérialise dans le fait que les classes moyennes, qui avaient pour habitude de voter à droite ou à gauche, se tournent de plus en plus vers les extrêmes, et particulièrement, comme les classes populaires autrefois, vers le Front National. De manière générale, partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, la vague populiste, dont les experts, il y a 40 ans, disaient qu'elle n'était que conjoncturelle et qu'elle ne se limiterait qu'au territoire de la désindustrialisation, eh bien cette vague populiste s'est en fait généralisée à de nombreux pays rassemblant classes populaires et classes moyennes contre les classes supérieures. Guy lui montre que cette tendance s'explique par le fait que les anciens clivages ont rendu l'âme. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche, de classe ouvrière ou de patron, de ruraux ou d'urbains, mais bien plus une rupture entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, les mobiles et les sédentaires, les gens de quelque part face aux gens de n'importe où, expression qu'il emprunte au journaliste et écrivain britannique David Goodhart. Or, c'est de la classe moyenne que dépend normalement la stabilité de nos sociétés, puisque selon les chiffres, elle rassemble entre 50 et 70% de la population. Ainsi, si la classe moyenne sombre, toute la société sombre. Selon Guy Louis, le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Trump aux États-Unis, la montée du Front National en France, pour ne citer que ces exemples, s'expliquent par un décrochage de plus en plus patent de cette classe moyenne qui ne se retrouve plus dans les discours des élites qui promettent prospérité et société ouverte. Leur expérience quotidienne, c'est bien plus la précarité grandissante et le repli des communautés sur elles-mêmes. Pour combattre ce double mouvement, les classes moyennes et les classes populaires ont donc élaboré, sans bruit, un soft power par la diffusion d'un discours nationaliste, protectionniste, solidariste et conservateur, sur lesquels les classes supérieures n'ont aucune prise. La vague populiste qui traverse le monde occidental n'est donc pas l'effet de l'irrationalité des classes supposément inférieures, mais plutôt l'effet de la trahison des classes supposément supérieures. Qu'on soit d'accord ou non avec les thèses que développe Christophe Guy Louis dans « No Society, la fin de la classe moyenne occidentale » qui vient de paraître chez Flammarion, l'ouvrage est passionnant et instructif à mains égards. N'hésitez donc pas à vous le procurer. C'est noté. Merci Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un très grand merci à Isis Jourda qui a préparé l'émission du jour avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'est Philippe Baudouin et Milena Elig. À la prise de son aujourd'hui, Pierrick Monsigny. À la lecture des textes, Ophélia Kolb. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Profession philosophe, c'est la nouvelle formule de ces chemins du vendredi. Depuis le mois de septembre, on donne la parole et on propose de grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui et surtout ceux qui en ont fait leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe forain, c'est ainsi qu'il se présente, Alain Guyard.